Retro Nouveau. Donc, bienvenue à la première émission de Rétro Nouveau. Mon nom, c'est Bruno Georget. Je suis gamer hardcore et chroniqueur jeu à l'émission Monsieur Net sur les ongles de Musique Plus. Vous pouvez aussi me retrouver sur le blog Une vie de gamer. Mais à mes côtés, j'ai mon partner de Rétro Nouveau. C'est Dominique Bourret, un autre gamer comme moi. Dominique, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un peu de toi. Oui, pour les gens qui ne me connaissent pas, là, vraiment, parce que beaucoup de monde me connaissent. Non, c'est une blague. Donc, peut-être qu'il y en a un petit peu qui me connaissent parmi vous, mais vous le savez pas. J'ai un blog qui s'appelle papacassette.com. Puis, il y a quand même du monde qui vient de me visiter. J'ai ouvert ça en janvier dernier. Donc, c'est ça, c'est un blog qui parle de rétro, surtout. Puis, où est-ce qu'il y a, toutes sortes de trucs, des photos, des images qu'on trouve cool. Un peu comme ton blog à toi, là, ouais. Finalement, on met ça là-dessus. Des trouvailles. Des trouvailles, des affaires de fun. Puis, je poste aussi quand je trouve des jeux, comme ce que j'achète, j'aime ça le partager. Je tripe sur la musique de jeux vidéo, là, ouais. La vieille. Là, oh, oui, vraiment. Tout est dans la nostalgie, ça fait que j'en poste souvent des affaires comme ça. T'avais aussi l'historique, j'ai vu à un moment donné, t'as écrit un peu sur l'histoire des fameuses cassettes d'E.T. qui étaient cachées. Ouais, c'est quand même le fun. Ouais, j'essaie d'avoir du contenu, de rédiger du contenu un peu. Oui. Tu sais ce que c'est, là, c'est vraiment. C'est long. C'est très, très long. Un article de même qui n'est pas si long que ça à lire peut prendre parce qu'on est du monde occupé. C'est ça, exact. C'est pas nos jobs principaux. Vraiment pas. Fait que ça me prend plusieurs soirées. Là. Mais j'aime, tu sais, quand j'en poste, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui reply, qui tweet. C'est bien le fun pour ça. Donc, c'est ça, c'est mon blog. Moi, je trippe sur le rétro, mais sans détester le next-gen. Là, parce qu'il y en a des gens qui sont strictement rétro, qui ne veulent rien savoir de nouvelles affaires. Ils disent « Ah, il y a juste Zelda 1 qui était bon, tout ce qu'il y a de nouveau, c'est pas bon. » Mais tu peux pas dire ça. Là, dans non, vie, c'est là, ça. C'est la base, oui, mais il y a du bon stock nouveau, puis du bon stock vieux, puis mauvais c'est aussi. Mais c'est ça, moi, la raison pour laquelle je suis plus dans le rétro, je pense, c'est que, un petit peu par défaut, j'ai pas encore acheté de PlayStation 3 ou de Xbox. Fait que je repousse tout le temps ça, tu sais, parce que j'achète plein de vieilles affaires. Faut que je joue à ça, là, je me dis, je vais pas m'acheter un PlayStation parce que, j'achète 10 jeux là-dessus que je suis en retard, que je veux essayer, mes autres affaires dorment, puis j'accumule, puis j'empile, puis je vois pas quand je vais jouer à tout ça. C'est décourageant. La retraite, je sais pas, j'ai l'impression que je serai jamais en retraite, fait que, en tout cas. On a jamais assez de temps dans une journée quand on joue, là, vraiment, là. Ah, c'est l'enfer. Toi, t'as des tonnes de projets. Moi, j'ai plein d'affaires, même que justement, je rétrécis les projets le plus possible, là, je concentre mes affaires, parce que sinon, ça finit plus, là. Surtout que les jeux vidéo, on tripe tellement, on manque de temps. Là. Ah, ben, tellement. C'est pour ça que j'ai pas le temps de finir, là. C'est de ça. Développer, tu sais, un gros. Je pourrais pas me clencher un Final Fantasy à 60 ans. En tout cas. Je sais pas comment ils font, ceux-là, qui ont des RPG, là. qui trippent, là, pendant 80 heures. Je sais pas. Ben, on est deux pères de famille. T'as une fille, j'ai un garçon. Qui ont le même âge, en plus. Ouais. Fait que, on sait que c'est très prenant, quand même, le soir. Ouais, totalement. Là. Hein. Fait quand on veut jouer, on commence ça. Quand ils sont couchés. Quand ils sont couchés. Puis le mien, il se couche tard. Ça fait que c'est vraiment possible là-dedans. Donc, ça pour dire que, non, moi, j'aime les jeux. De Next Gen, je regarde, je suis, qu'est-ce qui arrive, ouais. Tout ça. Quand je vois chez du monde qui en a, je joue, je trippe. Ouais. Fait qu'il n'y a aucune haine envers ça. Là. Ben non. Mais c'est plus, je sais pas, c'est une maladie, là, rétro, la nostalgie. Ça, je suis là-dedans, j'aime trouver un jeu que j'avais oublié quand je vois le cover. Eh oui, ma mère avait ça sur l'intélévision quand j'avais 5 ans, tu sais. Fait que c'est ça. Puis je suis bien collectionneur aussi, ce qui est une grosse partie de ma vie de gamer, si je peux dire. Donc, j'accumule, je classe ça, j'essaye de mettre ça clean, les étiquettes propres, les boîtes propres. Donc, parce que c'est le fun aussi, c'est un trip, ça, aller dans un pawn shop, puis regarder, voir si tu peux pas te trouver ta cassette en condition impeccable. Là, c'est tout le temps cool, là. Ben, j'ai aucun repos, là, à chaque fois que je vois quelque part. Moi, je pense à, OK, attends. Alors, toi, t'es marché au puce, les pawn shops partout. On passe par ici. Alors, je pense qu'il y a une boutique ici ou une vieille affaire. On va jeter un œil, tu sais. Ouais. Fait que je suis toujours en train de checker pour ça. Mais, ben, en y pensant, mais je me retiens aussi beaucoup, là, parce que ça coûte cher, tout ça, là. Mais, ben, c'est ça, en gros. Bon, ben, c'est ça. Mais écoute, merveilleux. Puis on, entre autres, on fait le podcast pour la raison qu'on veut en parler plus des jeux vidéo. Puis avec un blog, c'est pas tout le temps évident non plus de faire des éditoriaux qui durent là une éternité parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais évidemment, dit en audio, c'est pas mal moins long que par écrit. Mm. Donc, c'est quoi Rétro Nouveau? Qu'est-ce que c'est? Mais premièrement, c'est deux gamers qui trippent sur les jeux vidéo. Puis, dans ce podcast-là, on va parler de notre passion des jeux autant next-gen que rétro. On va pas se concentrer seulement sur le rétro, vraiment. On couvre vraiment tous les jeux vidéo, en gros. Sauf qu'évidemment, il y a justement un côté plus rétro du côté de Dominique et moi un côté plus nouveau de mon côté. Donc, ça fait un bon mélange. On va aussi faire des chroniques rétro-nouveau comme aujourd'hui. On va commencer, ça va être notre deuxième bloc où on va parler de Russian Attack et de sa réimagination Russian Attack Ex-Soldier. Donc c'est ça, puis on va aussi avoir des discussions existentielles sur les jeux vidéo, puis on va parler tout simplement de jeux en large. Ok, on est allé récemment à l'événement post-E3 de Nintendo à Montréal. Lors de cet événement, on a pu essayer plusieurs nouveaux jeux de Wii, de 3DS et de DS. La liste des jeux, pour vous donner un aperçu de ce qu'on a joué, on a joué à Legend of Zelda Skyward Sword, Kirby Wii, Kirby Mass Attack sur la DS, Star Fox 64 3D 3DS, Mario Kart 3D sur la 3DS, Kid Icarus Uprising sur la 3DS, Metal Gear Solid Snake Eater 3D sur la 3DS, ainsi que quelques cartes de réalité augmentée. Donc, toi, Dominique, c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué lors de cet événement-là? Ben, y en a un qui m'a pas vraiment marqué, puis toi non plus, je pense, au point que tu as mentionné. Ouais, on a eu une petite déception. Non, ben attends, je pense que c'est Dragon Quest. Ouais, Dragon Quest, j'ai pas vraiment touché, comme j'ai dit tantôt, les RPG, là. Ben moi, j'ai joué à Dragon Warrior 1 là, dans le temps. Puis moi, j'ai joué quand ça venait avec ton Nintendo Power, ouais, qui s'abonnait puis il donnait la cassette. Là. Mais qui était très bon. Mais bon, j'ai pas suivi les Dragon Quest depuis ce temps-là. Puis c'était pas rien contre ça. Là. J'aime les RPG, mais c'était pas la place, on dirait, pour s'embarquer là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y avait plein d'affaires. OK, on part, Zelda est là, Kirby est là. D'un coup, tu vas t'asseoir, Dragon Quest. J'étais dans le fond d'une cave, des boîtes, je savais pas comment sortir. Ouais, ben, laissez faire ça, donc on va... qu'est-ce que tu me posais comme question? Ben moi, je te demandais, c'était quoi le jeu qui t'avait le plus marqué dans cette liste de jeux-là qu'on a essayé? Ce qui serait supposé m'avoir plus marqué, puis ce que Nintendo voudrait, je pense, c'est Zelda, bien sûr, ouais. Skyward Sword. Mais moi, je trouve, personnellement, que ce qui est sorti gagnant de cette rencontre-là, c'est Kirby. Oui. Je trouve, j'ai trippé Kirby Wii, j'ai trippé Mass Attack. Oui, c'était Kirby Mass Attack sur la DS. C'était juste un démo japonais écrit, on pouvait pas lire rien. On comprenait rien. Mais c'est pas grave, parce qu'en jouant, on catchait. Fait que quand c'est bien fait, c'est bien fait. Puis non, moi c'est Kirby qui m'a vraiment impressionné. Okay. J'ai eu bien du fun, j'ai hâte que ça sorte. Là. Non, moi aussi je l'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça me faisait penser un peu au jeu de Wario qu'il y avait eu en 2D, même type, c'est vraiment un peu vieille animation 2D, t'avances de gauche à droite, un petit jeu de plateforme bien simple, mais je trouvais ça cool parce que Kirby devenait comme super puissant, tu sais. Ouais. À un moment donné, t'attrapes un élément, puis ça te donne une espèce de gros sabre énorme qui fait tout l'écran, tu détruis tout. Donc, je trouve ça cool parce que j'ai l'impression qu'il essaye un peu aussi de changer l'image de Kirby. Parce que Kirby. Toi, t'as joué. Moi, j'ai pas joué, là, mais tu disais dans ta critique, c'était bien somnolent, puis bien relax, C'est ça, c'est que, tu sais, Pekion, il est super bon, il est vraiment écœurant, mais. C'est ça, c'est fait un peu comme un conte pour les enfants. Ouais, puis, je veux dire, le look, tu sais, visuellement. Mais c'est très joli. C'est super beau, mais c'est ça, tu sais, ça a l'air de. On dirait que ta grand-mère t'a fait un tableau. Puis là, tu y joues, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est réconfortant, c'est cute. Tu sais, il te manque juste un petit verre de lait, mais c'est ça l'affaire. C'est Kirby aussi, ce qui est le fun, tu sais, si tu joues à Kirby Superstars. C'est autre chose, là. Tu smash, puis c'est hardcore. Puis aussi, même si on parle si on pense à Smash Brawl, tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime jouer avec Kirby parce qu'il est intense, tu sais, il fonctionne super bien. Le Kirby Wii, ben, c'était ça. C'était un retour fort. Vraiment, je trouve, au retour Kirby de base. Là. Puis même le tableau qu'on a joué, qu'il y avait dans le démo, il y avait l'arbre à la fin là, qui était quand même l'arbre qui était dans le premier Kirby qu'il y a eu à l'origine sur le Game Boy, le premier des premiers. Fait que c'est la même mécanique. T'avances le monde, tu passes par en bas, tu pognes leur power quand ils en ont, puis tu smash. Mais ils ont boosté les powers, comme tu dis, la grosse épée là, qui est détruite. Ou bien, il y en a un autre que ça colle, un espèce de dragon qui traverse tout l'écran. Hey, ça peste, là, c'était génial. Puis, on peut jouer à 4 aussi. Ouais, hein? Juste ça, c'était cool. Ça, c'est génial. Puis, même Kirby peut y aspirer. Alors, il recommence à aspirer, ce qu'il faisait dans Epic Yarn. Puis, il peut aspirer plus. C'est quand, ça. Quand tu shakes ta Wiimote, là, il ouvre la bouche encore plus grand. Puis là, c'est écœurant, ça. Il soque, là, mais des grosses affaires. Là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il y avait un mur, t'étais pogné, puis là, c'est comme... Il aspire le mur. Il aspire le mur, on passe. Ah ouais, j'ai vraiment trouvé badass, là. Ouais. Vraiment. Puis ça va marcher au bout de ce jeu-là, vraiment. C'est un jeu de Wii qui vaut encore la peine, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça vaut la peine d'avoir une Wii pour des jeux comme ça. Ouais. Alors, là, c'est juste... C'est cute, Kirby et tout ça, mais en même temps, ça a un gameplay, ça a de l'action, la musique. Ça, tout ça font un excellent jeu. Ah oui, vraiment. Mais les jeux de ce genre-là ont déjà prouvé là, que c'est une recette qui fonctionne. Là, ouais, c'est ça. Sur la Wii, ça marche tout le temps, c'est parfait. Même Epic Yarn, c'est un excellent jeu. Là, ça marche au bout. Moi, si je peux parler d'une... Parce que comme toi, Kirby, oui, j'ai trippé autant que toi. C'est vraiment, ça a volé le show pour moi, ben raide. Ce qui m'a un peu déçu, c'était Legend of Zelda Skyward Sword. Ouais, parce que aussi. La démo, on arrive là, tu sais, on sait pas exactement comment jouer. Donc là, t'arrives, t'as un écran, t'as trois options de trois expériences de jeu qu'il y a dans Zelda. Puis on te guide un peu, bon, va essayer celle-là, va essayer celle-là. On te guide à... Quand on dit on guide, c'est pas à l'écran. Là, t'as un guide à côté. Non, t'as vraiment un guide à côté de toi. T'as un dude qui te regarde et qui te trouve pas bon de pas être vite ses boutons. Là. Fait que tu te sens mal, tu fais comme ben là, voyons, c'est moi qui comprends rien, tu sais. Puis je dois avouer que les contrôles de Zelda, même pour Twilight Princess, la Wii, on n'est pas autant habitué peut-être que les autres consoles. Ce qui fait qu'avec la Wiimote et le Nunchuck, quand on arrive de même à fret pour essayer un jeu, des fois, si t'es pas un représentant, t'as de la misère justement avec la configuration des boutons parce qu'il y a beaucoup de boutons qui sont placés à des endroits différents. Tous les boutons sont utilisés. C'est ça, dans Zelda, tout est utilisé. Fou, puis là. Même le waggle justement de shaker tes manettes, tu sais. Ouais. On a commencé l'expérience avec un oiseau qu'il fallait qu'on fasse voler. Ouais, je me suis jamais senti aussi pourri dans un jeu, là. Mais je l'ai pas essayé, ça, mais il y avait trois modes. Moi, il y avait tout trois de suite modes. Dans le mode. Donjon, là, je sais pas trop. Donjon, toi, t'es arrivé dans l'oiseau. Là, je te regardais. Qu'est-ce que c'est ça, ce jeu? Ouais! Je savais même pas que c'était la station Zelda. J'avais jamais dû choisir ça. De là. Ouais! Puis là, c'était, tu sais, moi, j'essayais, là, je battais des ailes. À toutes les fois, la fille à côté de moi, elle disait comme Non, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Ah, tu sais, puis elle m'aidait, puis je me disais, c'est donc bien plate quand même un jeu où t'as besoin d'aide tout le temps, tu sais. J'avais vraiment besoin d'aide, je me sentais vraiment mauvais en plus. Fait j'ai fait, bon, je vais essayer un autre. Après ça, on a essayé le donjon. Je sais que tu l'as essayé aussi. Ouais. Ils ont mis les ennemis dans le donjon les plus problématiques qu'il n'y a pas, comme la fameuse araignée qui est super dure à tuer, cette araignée-là. Dans Ocarina of Time, c'est l'ennemi qui m'énerve le plus après Navi, qui est tout le temps avec nous autres. Fait que, tu sais, c'était un peu fatigant. J'ai l'impression que je me battais contre les contrôles tout le temps. Ouais. Il y avait énormément d'interfaces. OK, là, tu peux choisir ton arc, mais tu peux aussi choisir un boomerang. Tu peux aussi choisir ça. Tu peux aussi choisir... C'est comme d'en donner trop aux joueurs. Puis pourtant, il me semble, on va un peu chez Nintendo pour la simplicité de la chose. Oui, c'est ça. Puis parce que c'est user-friendly, là. C'est parfait pour le gamer qui joue pas tant que ça. Puis là, j'ai eu l'impression vraiment que j'arrivais dans un jeu hardcore puis qu'il me faudrait là, un tutoriel là, d'une heure. Là, ouais, ben il faut... Ça va venir avec la pratique. Là. C'est ben, ça. Même moi, Twilight Princess, je l'ai ici, j'ai pas fini, j'ai pas eu le temps encore, mais même après, j'ai joué pas mal. C'est toujours pas dans mon sang, tu sais, ouais. Même capable de clic-clac, changer les menus puis tout de suite me mettre mon arc, OK, on drop l'arc, on sort l'épée, OK, je pars à la course, je jump back. Tu sais, ça suit pas, là, c'est pas fluide, là, faut tout le temps que tu sortes, ça bloque. Puis à Skyward Sword, en plus, avec le dos d'à côté de moi, que je me sentais, moi, là, une arme aussi. Tu sais, je voulais être tout seul, là, essayer les pitons tout seul dans mon coin, là, puis laisse-moi faire. Là, dire, OK, sors l'arc. Sors l'arc. Appuie sur Z, tu sais. Ah, voyons, Z, oui. Tu sais, là, j'étais mélangé, là, tu sais. Puis, dans le donjon, au début, bon, ils te font passer une porte, puis tout ça, puis tu rentres dedans, puis là, il y a un squelette, un genre de boss, là, tu sais. Mais là, ce qui est bon dans Skyward Sword, par exemple, puis. Écoute, c'est la seule update qu'ils avaient besoin de faire et ils l'ont fait. Là. Mais ça, en fait, ça aurait dû toujours être comme ça. Quand tu frappes, tu sais, ça fait pas juste toujours le même coup comme dans toi. Non, c'est ça, c'est la Wii Motion Plus. Ça frappe en bas, jump, tu sais, ça. C'est très précis. Fait que tu débalances ton adversaire en le frappant d'un côté, il bloque ce bord-là, ça l'ouvre l'autre bord. Fait que ça, le squelette, cool, il marchait comme ça. Fait que Dieu merci, ils ont fait ça, puis c'était parfait. Mais en même temps, bon, le gars, il dit pique-les dans les jambes, tu sais, là, j'essayais de faire ce qu'il disait. Boss, il était top. Le boss m'a tout sauvé, tu sais. Ouais, quand même tough, là. Fait que le gars, il pogne la manette. Kirby, moi, là. Non, mais il a pogné la manette, il dit attends, va te rendre jusque-là. Oui, c'est le papa va t'aider. Il prend ma manette, il m'arrange jusque-là. Tu sais, c'est rien. Là, c'est là, j'ai rien besoin de tirer une roche d'un diamant, une flèche d'un diamant, en tout cas. Fait que là, je reviens. Là, après avoir acquis toutes ces affaires-là, dont un genre de sidestep pour m'enlever du joueur qu'il ne m'avait pas montré, j'ai pété ce squelette-là en 5 secondes. Là, fait que là, j'étais content. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'était... D'un, il y avait de la pression, mais même s'il n'y en avait pas eu, c'est pas assez fluide, là. Puis, une autre grosse affaire nouveau, là, qui était bien hot, là, puis c'était l'ajout d'un scarabée dans ta liste d'items, tu sais, dans le slingshot, l'arc, le boomerang, et un scarabée. C'est un genre de bracelet avec un scarabée accroché dessus. C'est vrai. Ça, c'est comme télécommandé. Quand tu le lances, part à voler, là, un peu comme les Nikita missiles, là, dans Metal Gear, là, t'es dedans, là, finalement, puis là, faut que tu le diriges bien tranquillement. Puis là, pour que ça soit réel, tu sais bien que c'est super dur à contrôler, là, puis tu fonces dans tous les murs avec ça. Fait que là, ce scarabée-là, il upgrade aussi. À un moment donné, je pense, bon, c'est pas rendu là dans le démo, mais il peut attaquer, puis ramener des affaires, tu sais, aller peser sur des switches. Fait que c'est correct, tu sais, mais ça va m'en prendre plus que ça pour me faire dire que ce Zelda-là est vraiment malade, là. C'est ça. Puis je suis sûr qu'il est écœurant, le jeu, mais... Ouais. Je pense qu'on va pouvoir s'en rendre compte quand on va l'acheter, on va jouer chez nous, on va faire notre petite affaire, puis on n'aura personne à côté de nous autres pour nous dire que c'est pas ça, tu sais. Mais ça va être comme Twilight, tu sais, ça va être très bon jeu, c'est bien correct, puis, mais c'est pas... Puis il y avait une représentante de Nintendo avec qui on a parlé, qui nous expliquait un peu de l'histoire de ce jeu-là, qui vient juste avant Ocarina of Time, je pense, les débuts de Ganon, en tout cas, ça... Dans l'histoire, ça va l'air bien, bien intéressant. Oui, parce qu'elle disait que la Zelda est juste Zelda, c'est pas encore la princesse. C'est ça. Fait qu'il y avait ce petit côté-là qui était vraiment intéressant. Puis il y avait aussi le fait que visuellement, le jeu est vraiment magnifique. Là, c'est super beau. J'aime vraiment où ils sont allés avec la direction artistique. Puis je pense que ça fonctionne super bien avec la Wii. Là. Donc, c'est un peu ça pour Zelda. Sinon, un autre jeu qui, moi, m'a vraiment marqué... C'était Kid Icarus Uprising. Je l'avais déjà essayé auparavant sur la 3DS, puis je suis comme tabarnouche, sortez le don ce jeu-là, là, qu'on puisse jouer un bon jeu sur la 3DS. Qu'est-ce que bon, c'était peut-être pas prêt, là, mais attendez la 3DS, retardez la 3DS d'abord pour sortir ça en même temps, je sais pas, tu sais. Mais... Ah, moi, je trouve que c'est le killer app là, pour la 3DS. Tu sais, ce jeu-là, il fonctionne tellement bien, il est fluide. Aussitôt, t'es dans les airs à combattre, puis le contrôle se fait vraiment bien. Tu sais, tu contrôles ton personnage avec ton pad, puis en plus de ça, tu vas tirer en tapant à l'écran, puis ça fonctionne super bien, tu sais. Ouais. C'est rapide. C'est super c'est rapide. Vraiment, là. C'est beau, là, puis c'est rapide. Là. C'est tac, fluide. Tac, vraiment, ça, les ennemis arrivent, t'es shoot, là. Ouais. Là, bon, on était un peu novice, là, mais à force de jouer, là, mettons, tu regardes quelqu'un jouer, là, ça peut avoir de l'air killer au max. Ah, là, oui. Vraiment, ça, les flèches partent, là, puis c'est vrai que l'effet 3D, l'effet de profondeur, ouais, écœurant, c'est très beau. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ignore, mais tout le monde pense que c'est un jeu qui se passe juste dans les airs. Ce qui est le fun, c'est que t'es dans les airs, puis à un certain point, c'est comme... Il y a quelqu'un qui te parle et qui te dit « Ah, il y a un combat qui se passe par en bas, tu sais, au sol. » Fait que là, tu descends au sol super rapidement, puis tu te vois descendre au sol, puis il n'y a aucun ralentissement. C'est super beau. Là, tu arrives au sol, puis tu bats des ennemis au sol un peu partout. C'est vraiment génial. Pis ça enlève un peu aussi le côté un peu gaga, niaiseux, ouais, de Kid Icarus ouais. qui se bat contre des légumes. Là, mais il se bat encore contre des... Ben, il y en a. C'est les mêmes, les petites pieuvres rouges, voilà, ouais. là, c'est ceux-là qu'on pète là, dans les airs. Mais tu sais, c'est les mêmes... Ben, on n'a pas vu des tonnes... C'est amélioré quand même. C'est amélioré, c'est ça. La méduse est assez puissante. Oh, là, la méduse ouais, que tu vois... Elle joue en test comme dans God of War. Là, c'est ça. Elle fait... Là, elle gigue. T'es tout petit à côté. C'est là. Ça. C'est vraiment beau, ça. Moi, je dis souvent que le Kid Icarus Uprising, c'est le God of War de Nintendo. Là, ils l'ont, tu sais. Leur espèce de jeu qu'ils vont pouvoir jouer sur le côté épique parce que t'es minuscule et les ennemis sont énormes. Il l'a là-dedans. Fait que c'est vraiment cool. Là. Mais c'était vraiment nouveau aussi, je trouve, comme gameplay, les contrôles, là, juste le pad et juste ton stylet. À moins, peut-être plus tard, il y a d'autres choses qui viennent pour sélectionner des armes, je sais pas. T'sais. Fait que ça, c'était cool parce que tu tiens ta 3DS d'une main, ton stylet dans l'autre. Mais un peu en tenant ton 3DS, des fois, ça peut venir lourd. Ça peut cramper la main. Moi, j'ai hâte de l'essayer sans le bloc de sécurité qu'il y a derrière. Très lourd, le bloc de métal qui l'enchaînait à la table, ça faisait très lourd. Fait que moi, j'ai arrêté souvent. Ouais. Je soutenais mon autre main là, par en dessous. Ouais, avec le petit doigt. Carrément, pour devenir honnête, là, c'était top. Ouais. Mais c'était ça, c'est ça, moi, c'était vraiment ça, le point négatif. J'ai trouvé ce jeu-là, c'était ça. Je me dis, ben, c'est plate d'avoir à contrôler avec le bloc de sécurité, mais sinon, ça marche. On a joué en multijoueur, j'avoue que j'ai pas accroché au multijoueur, là. C'était un peu moyen, puis j'ai trouvé ça plate parce que, bon, fallait qu'on soit 6 pour jouer au multijoueur. Combien de multijoueurs t'es obligé d'être 6, je sais pas, mais j'aurais aimé jouer un contre un peut-être pour voir l'expérience d'une autre façon. C'était le fun, c'est le genre de combat que tu trouves une personne, t'as détruit, puis puis une fois que t'es détruit, tu deviens Kid Icarus, puis tu peux détruire les autres. C'était bien, mais c'est pas ça qui nous a émerveillés, là. Ça pourrait être un jeu de ça, peut-être rétro nouveau qu'on fera un moment donné. Oui, totalement. Il y en a trois. Ben, il y a Kid Icarus of Myth and Monsters qu'il y a eu au Game Boy. Lui, c'est ça, je l'ai même pas essayé. Ça, c'est totalement, ça passait inaperçu, ça. Okay. Mais je l'ai pas essayé, moi non plus. Il paraît que c'est très bon. Puis on a vu, bon, Pit. Oui. L'ange s'appelle Pit dans Kid Icarus. Mm-hmm. On l'a vu dans les Smash Bros. Il était dans Smash Bros. Il est maintenant dans Uprising. Fait qu'il y a une belle histoire en arrière de ça, vraiment. Ça a été développé en même temps que Metroid à l'origine. Puis, mais c'est ce que j'aimais aussi dans Uprising. Ils rendent hommage à toute la série, mais en donnant un petit boost, là. Oui, totalement. C'était vraiment cool. Puis il y avait aussi Mario Kart que j'ai trouvé excellent. Ouais. Là, je ne sais pas trop quoi dire sur Mario Kart parce que, à vrai dire, c'était Mario Kart, that's it. Ouais. Il n'y a pas vraiment les choses qui sont vraiment nouvelles. T'sais, bon, maintenant, on peut voler, on peut aller en dessous de l'eau, c'est ça. Fait. Mais tu peux customiser ton kart. Ça, c'était le fun. Ça, c'était bien. Là. Ouais. Tu rajoutes les roues que tu veux pour aller plus vite, moins vite. Bon, j'ai pas eu pris le temps de prendre connaissance de... Qu'est-ce qu'il faisait quoi? J'essaie de demander à la fille, hey, les petits trous, là. C'est comme, je vais te revenir. Ouais, c'est ça, ça va voir l'autre poste. La patronne vient me voir, elle m'explique le truc. Ah, OK. Ouais. Mais bon, c'était pas là pour ça, mais c'était Mario Kart 3D. C'est bien ça. Cool, là. Moi, j'attends de voir la version complète, mais c'est ça, c'est un succès. Succès assuré. C'est sûr et certain. Puis, Metal Gear Solid, ben franchement, moi, je suis pas un gros fan de Metal Gear Solid. Encore une fois, c'était pas la place, je trouve, pour jouer à ça. Ouais. Là, c'était trop... tu sais, juste de prendre le temps, d'apprendre tous les contrôles. C'est long. Puis c'est long. Puis je suis sûr que ça va être... Ben écoute, c'est Snake Eater, c'est la même chose. C'est ça, c'est 3D, sûr que ça va être si bon. Si vous avez aimé ça, vous allez aimer ça. Oui. That's it, là. Il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais il y a Mario. Mario... C'est vrai! Super Mario, simplement que ça s'appelle, avec la petite queue de castor qui sort dans le logo, fait qu'il ramène ça. Ouais. Mais moi, je me suis pas rendu bien loin, étrangement, parce que j'ai essayé de mourir comme un beau pioui, de sauter dans les dimensions. Ben, c'est ça qui était un peu moins évident tough, avec la profondeur. Ouais, ça me faisait penser à Mario 64, tu tombes souvent, là, parce que... Bon, là, c'est peut-être juste moi qui n'est pas bon, là, mais c'est ça. Je ne me suis pas rendu très loin, mais tu sais, c'était Mario, là, c'est correct. Mais toi, j'ai trouvé que c'était un mélange parfait d'à peu près tous les Mario qui sont sortis jusqu'à date, parce que je voyais des clins d'œil à tous les Mario. Il y en avait beaucoup à propos de Super Mario Bros. 3, Vraiment, il y avait plein de choses qui avaient rapport à Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 2, je dirais pas, là, peut-être. Là. Non, parce que c'est une autre histoire complètement. C'est ça. Mais sinon, les autres, à la fin, on sautait sur le drapeau. ça, c'est cool. Vraiment cool, là, pareil comme dans le premier. Puis il y avait le look vraiment ressemble au dernier Mario qu'on a eu, Mario Galaxy. Fait visuellement, ça ressemble à Mario Galaxy, mais on sent une espèce d'hybride entre Mario Galaxy 64 puis Super Mario Bros 3. Ouais, ce que vraiment. J'ai adoré, là, puis c'est super beau visuellement, mais ça joue aussi très bien. L'affaire qui est peut-être un peu plus tough, c'est comme tu dis, la profondeur, parce qu'on se promène dans des univers en 3D, puis des fois, il fallait que je me promène sur certaines plateformes, puis je pensais qu'elle était plus loin, puis finalement, elle n'était pas plus loin, puis je tombais en bas, puis je recommençais. Ouais. Fait ça fait peut-être aussi partie de l'intention en même temps, fait que c'est dur de juger là-dessus, mais moi, mon expérience a été écœurante. Là. Même que tu peux aller sur un bateau un moment donné, puis c'était vraiment, bref, c'était vraiment cool, puis moi, je pense que ça va être un méga hit une fois de plus. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Absolument. Là. C'est Mario, tu sais. Sinon, il y avait... Ah, t'avais-tu fini Mario? Oh, j'ai fini Mario. Il y avait Star Fox. Oui, Star Fox 64. Aussi. Moi, j'avais... Je fais partie des gens qui ont acheté un PlayStation dans le temps au lieu de Nintendo 64. Oh! Donc, j'ai pas joué à Star Fox. j'ai pas joué, malheureusement. Mais ça, ben, je vais en racheter une Nintendo 64 bientôt. Là, faut que je trouve la place. Mais moi, je l'aimais pas, la 64. Ben, moi non plus, genre. Je l'aimais, la 64. Je sais pas pourquoi, tu sais. Je sais pourquoi, parce que tous les jeux que j'ai joués, c'est pas bon. C'est ça, tu sais. PlayStation, écoute, je joue à Gran Turismo, je joue à Tekken, je joue à Metal Gear, Castlevania, tu sais. Là, j'arrive au 64, je joue des jeux, j'essaye des affaires, puis tu sais. C'était plate, là. C'était plate. Quand on a fini Turok, à un moment donné, on fait comme ça, mais on a pas de tour. GoldenEye, Mario. Ben, en fait, il y en a beaucoup de jeux de 64 qui en valent la peine. Ben, les first-person shooters, ils étaient quand même pas. Mais tu sais, Bad Fury Day, il y en a, écoute, il y en a plein, on y reviendra justement. Donc, j'avais pas joué à Star Fox 64. Ouais. Mais là-dessus, ben, je pose sur la même affaire, là. J'étais dans l'espace, c'était très beau, par exemple. Ouais. C'était bien fait, puis c'était les contrôles étaient classiques. Donc, moi, je me souvenais de Star Fox au Super Nintendo. Fait que c'était la même affaire, là. Tu roll à gauche, tu roll à droite. À droite. Ouais. Back and forth, Falco, tout le monde est là. C'était juste très bien. Ouais. Ça va être très bon. Comme Zelda Ocarina of Time était un très bon remake de ça. Puis, exact. Il y a. Il y a juste un tableau. Ben, en fait, je ne me suis pas rendu plus loin. Moi, j'ai vraiment joué à un tableau. J'ai battu le boss. C'est super cool. L'effet 3D est vraiment très réussi. Là. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans Star Fox, c'était. Bizarrement, à ma grande surprise, les contrôles, parce qu'on contrôle le vaisseau avec les mouvements, avec les mouvements de la console, puis Colin, ça fonctionnait super bien, tu sais, puis ça sentait, c'était bien, puis c'était fluide, puis ça fonctionnait bien, et alors, on disait tout le temps, ah, tu peux bouger, tu sais, faire tout le tour de ton corps, puis te promener, mais j'ai pas le goût, puis on dirait que ça marche pareil, même si tu le fais au bout de tes poignets, tu sais. C'est pas besoin de te virer, là, à terre, pour te mais de toute façon, c'est pas si utile, là, c'est un peu, c'est drôle, mais tu sais, t'auras jamais un ennemi en arrière de toi, c'est là, ça. Tu vires bien raide, là. Mais il y avait Steel Diver qu'il fallait le faire, puis c'est une des choses qui a fait que j'ai moins aimé Steel Diver parce que tu peux pas jouer à ça partout. Ouais, c'est ça. Tu peux pas jouer assis, mais tu peux pas jouer partout non plus, tu sais. Amène ça dans le métro. Impossible de jouer. Tu vas avoir du pécouillon de l'existence. Puis si tu joues, mettons, dans ton lit, moi j'aime bien ça, les consoles portables. Ouais. J'aime ça jouer dans mon lit. Ouais, avec le soir avant t'es couché, t'es bien, tu joues, tu sais. Là, t'es obligé de tourner comme un couillon. Fait que ça fonctionne mal. J'aime vraiment ça. Ça fait penser à quand je jouais à Zelda. Zelda Phantom Hourglass, DS dans mon lit, puis tu sais, à un moment donné, faut que tu cries. Là, ma blonde adore super bien. Ouais. Je l'aime beaucoup. Mais ça, c'est un beau feature. Elle s'endort en 2 secondes, puis elle adore Dieu. Mais là, moi, j'étais là, puis je criais dans mon feature. En tout cas, ça pour dire que ces consoles, elle se réveillait, puis elle disait, qu'est-ce que tu fais là? J'ai l'air d'un beau cave. Ouais. Mais tous ces features-là, c'est cute, t'sais, c'était drôle. J'ai trouvé ça drôle de crier, puis je trouve ça drôle de tourner, là, tu sais, mais ça va pas. C'est pas ça, tu sais, qui fait le jeu, là. Ouais, ça c'est ça. Jamais le jeu, là. Puis je trouve qu'il devrait tout le temps avoir une alternative, tu sais. Ouais. Si tu veux qu'on joue comme ça, OK, mais ça peut peut-être tuer le jeu de donner juste un thème de contrôle ou d'en mettre trop, justement. Tu sais. Il y a certains jeux de Wii, justement, que ça a été leur plus gros point faible, que les contrôles, justement, c'était dommage parce que tu pouvais juste jouer avec ta Wiimote puis ton Nunchuck. Tu peux pas jouer de façon classique. Puis là, plus ça avance, plus ils donnent l'option de jouer de façon classique. Pis je trouve ça cool parce que j'ai l'impression que les gamers embarquent un peu plus parce que on leur donne le choix. Parce que Wiimote et Nunchuck, pas tout le temps évident. Non, non. 3DS, même affaire. Les mouvements, là, ça fonctionne bien, mais peut-être que ce serait le fun aussi de pouvoir jouer avec le pad analogique, tout ça, le joystick. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi une autre affaire, je voulais parler. Il y avait des cartes de réalité augmentée de Kid Icarus. Ils m'ont montré ça. J'étais comme, ah, wow, tu vas voir là, des cartes de réalité augmentée. C'est des personnages de Kid Icarus qui se battent. Là, je faisais comme, ah, right on, let's go. Fait que là, ils sortent les cartes. Ils mettent une carte de Pit, puis une carte d'un autre personnage. Je me souviens plus, je pense que c'est la Medusa. Fait que là, ils mettent un en face de l'autre. Là, je fais, OK, il va se passer de coup de balade, je vais les contrôler, je vais tirer sur Medusa. Là, je dis, OK, qu'est-ce que je fais? Elle dit, ben, tu fais rien. Je fais rien. Non. Ils vont juste se battre tout seul. C'est ça, ils vont se battre tout seul. Fait que là, j'attends, ils se battent pas. Là, ils finissent par se battre. T'sais. Ah ouais? Hey, moi, là, ils se sont jamais battus. Ah non? C'était pathétique. Après, non, mais attends. Okay. Ça a été super long. Attends. Non, mais ils se battent. OK, c'est-tu? J'approche les cartes ensemble, je recule, j'avance. Ah ouais. Ils se battaient pas. Là. C'était comme une niaiserie. Colin, on peut même pas interagir. Fait que là, tu sais, moi, je dis, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour interagir avec ça? Allez. Elle dit, ben, tu peux tourner autour, regarder à différents angles, tu sais. Ouais, mais c'est plate, tu sais. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avec ça. On peut justement contrôler Pit, il me semble, puis sacrer la volée à Medusa, tu sais. Je l'ai essayé sur la PSP avec la caméra, puis il y avait Insectemore qui était comme ça, justement, que c'était des personnages un peu qui ressemblent à des Pokémon, puis ils sont sur une carte, puis tu peux battre l'autre ennemi facilement en pesant sur ton bouton, en contrôlant. Ah. Fait que tu contrôles un bonhomme, puis l'autre, il réplique pareil comme il ferait dans un jeu vidéo. Là, rien. Ah non, c'était... J'ai demandé s'il y avait des plans pour qu'on les contrôle, puis on m'a dit qu'il n'y avait pas de réponse à ça encore, donc... Je pense que c'est pas tout à fait au point. Là. Non, vraiment, c'est ça. Là, c'est... Ben, j'espère qu'ils vont pas trop pousser là-dedans. Tu sais, Nintendo, c'est ça qui est un peu dommage. Des fois, ils poussent dans des directions pas nécessaires. Tu sais. Ça, c'est le fun. Tu sais, c'est juste le fun. C'est pas important. Tu peux pas t'empêcher de te dire, tu sais, au lieu de mettre de l'énergie là-dedans, mais ailleurs, tu sais, fais des jeux. En tout cas. Ah, totalement. Mais, écoute, ben, les jeunes vont aimer ça. Là. Ils vont peut-être s'échanger des cartes à l'école. C'est plus de notre âge, là. Ouais, c'est ça. Tout on s'en fout bien, là. Mais bon, peut-être les enfants, ça, ils vont s'échanger des cartes, faire des trucs. Fait que ça, c'était pas la grosse affaire. Là. Non. Mais un bon jeu de DS qui avait là-bas aussi. Revenons à Kirby. Kirby Mass Attack. Personne jouait au DS. Il était à l'entrée. 2 DS, une table. Ah, il faisait complètement abandonné. Moi, je vais prendre un break. Je vais m'asseoir, justement. On peut s'asseoir là. Là, Kirby, hey, regardons ça. On va essayer ça. Fait que j'embarque. C'est en japonais. Je comprends rien. Il y a des petits pictos de stylet qui apparaissaient. Fait que dans le fond, tu dragues ton stylet sur l'écran. Puis Kirby va faire ce que tu fais. Fait que si tu fais une boucle, ben, il va faire toute la boucle. Puis il va retomber à terre. That's fait que tu le traînes avec ton stylet comme ça. Tu lui fais passer des obstacles, tu lui fais sauter dans les airs. Mm. Mais encore une fois, dans ce Kirby-là, il aspire pas. Ouais. Mais tu ramasses des... c'est quoi donc tu ramasses des ben, fruits? Tu ramassais des fruits. Puis là, plus que tu en ramasses, tu as un meter dans ton écran du haut. Puis comme quand il est rendu dans le fond, paf, il y a un autre Kirby qui apparaît. Ouais. Tu peux en avoir jusqu'à 10. Fait que c'est ça le titre, là, Mass Attack. Ah, c'est génial. Bien. Quand t'en as 10, là, puis tu pointes un ennemi, tu dis, let's go, les gars! Ils jettent les trucs dessus. Ils sont en train de le gruger. Là, les gars, ils donnent des coups de poing, là, puis des coups de pied. Hey, c'était génial. J'adorais ça. Ah ouais, c'était vraiment fait cool. Fait que t'envoies ton armée de Kirby, défaire les obstacles, défaire le monde, faire le chemin, là, tirer sur des switches. Des fois, il faut qu'ils se mettent à 10 pour tirer sur Parce que des fois, c'était trop lourd. Fallait qu'il fasse descendre un objet, tu sais. Moi, je trouve ça carrément. Quand il y en a un qui meurt, ils sont tous roses. Quand il y en a un qui meurt, ils tournent bleus. Ouais. Fait que là, il n'est plus vraiment utile. C'est ça. Tirer avec les autres. Oui, mais il fallait que tu le fasses sauter dans une espèce de cercle. Ouais, il y a des anneaux roses. Quand tu le fais sauter là-dedans, puis là, boum, il y a des anneaux roses. Encore une fois, c'est très cute, mais moi, jamais, là, cet élément là, d'attaque massive. Ah oh, oui. Écoute. Et justement, il tient très bien son nom, le Mass Attack, parce que c'est. Une fois que tu pognes un ennemi quand t'en as 10, c'est vraiment violent. Là. Ah ouais, mais tu peux, t'es pas obligé de les faire bouger en tas tout le temps non plus. Ouais. Tu peux les dispatcher, l'envoyer à gauche, à droite, lui et toi va faire ça. Mais souvent quand même, ils se tiennent ensemble, ouais. Tu t'en sers comme un élément, pas comme 10, mais encore une fois, c'est un petit démo. En japonais, on n'a rien vu du jeu encore, mais juste mais ça. Encore là, c'était un petit démo, mais moi, là, je suis resté tellement accroché. J'ai joué à peu près à 4 tableaux. Ouais. J'avais l'impression vraiment qu'au final, on avait peut-être la version complète entre les mains parce que j'ai joué vraiment longtemps. C'était toi, tu avais joué en premier, puis tu avais dit « Ah, il faut vraiment t'essayer ça », puis je suis allé voir, puis je suis resté complètement accroché, là. J'ai joué longtemps, puis écoute, c'était écœurant. J'ai hâte de comprendre les instructions, là. Ouais, moi tout. Mais c'était cool. Mais tu vois, c'est un jeu de DS, ça. Fait que dans le fond, moi, ce que je retiens de cette rencontre-là, c'est que il reste encore du stock intéressant pour la Wii. Ouais. Puis ça, c'est du stock intéressant pour la DS, la 3DS, le bon stock s'en vient, tu sais. Nintendo, dernièrement, sur Internet, là, ça bâche au max, tu sais, avec la 3DS, ouais. Tout ça. Bon, ça pourrait être un sujet. Non, on dirait que le programme des ambassadeurs qui ont sorti, justement, que si on avait la 3DS dès le départ, si on l'achetait maintenant, c'est-à-dire avant une certaine date, je me suis pensé avant 12, c'est ça. Ouais. Avant 12 août, mais si on l'achète là, justement, on a la chance d'avoir 20 jeux gratuits qui sont quand même assez intéressants, tu sais. Moi, ça me l'a fait acheter. Là. J'aurais jamais acheté ça, là, sinon, mais ça, je l'ai acheté pour ça. Puis ça va l'aider, mais ça y prend des jeux. Oui, exact. Carrément. Je trouve qu'ils l'ont sorti vraiment trop tôt, là. Oh, encore une fois, là, c'est vraiment précipité. Puis d'un autre côté, ce qui va marcher pour Nintendo, c'est que la PSP, présentement, là, elle est morte, là, mais ça n'a aucun sens. Moi, tout le monde le sait, là, je le sais, on fait des jokes sans arrêt là-dessus. J'ai une PSP et j'ai une PSP Go. Puis, je me cherche des jeux là, depuis 3-4 mois. Il n'y a rien qui sort. Il y a peut-être une sortie aux 2 mois. Puis, cette sortie-là n'est pas nécessairement intéressante. Là. Moi, des jeux de pêche et des RPG japonais, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Fait, là, tu sais, vraiment, il n'y a pas vraiment de matériel pour les consoles portables, à part si tu joues sur un iPhone, tu sais. Ouais. Fait que je pense que Nintendo, la balle est dans leur camp présentement. Là, j'ai l'impression qu'il y a quoi à faire avec ça. C'est une bonne console. Ça va super bien. Mais moi, avoir acheté ça 270$ au départ, ouais. Pas de eShop, ouais. Pas de bons jeux. Parce que je l'ai acheté, là. Le eShop existe, les jeux sont en magasin, Zelda est en magasin, je n'ai pas acheté cette fois-là parce que je voulais juste la console. Mais encore maintenant, mais il n'y a pas beaucoup de jeux. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants. Mais juste la console elle-même, pas de jeux, pas rien, tu sais, j'avais pas grand-chose à faire avec à part l'explorer. Ouais. Fait que j'imagine le monde qui l'ont acheté à 270, tu sais, puis qui peuvent même pas rien downloader. Ouais. Je les comprends, là, d'être totalement insatisfait. Puis c'est bien normal, c'est normal, ça flotte. Mais là, c'est le temps, là. Le bon stock s'en vient. Puis on a vu à ce meeting de Nintendo-là que ça va être très intéressant pour Nintendo bientôt. OK, fait que pour notre chronique rétro nouveau d'aujourd'hui, on va commencer avec les critiques de Russian Attack, l'original, ainsi que Russian Attack Ex-Soldier. Expatriate, c'est vrai. Ouais. Excusez-moi. c'est ça qui est sorti récemment cette année. Donc, Dominique, toi, avec Russian Attack, l'original. Ouais, ben à base, ce qu'il faut savoir de Russian Attack, c'est que ça s'appelait Green Beret. Green Beret, Beret vert. Ça a été un jeu fait par Konami, et puis qui est encore fait par Konami aujourd'hui, qui est sorti à l'arcade en 1985 au Japon, puis en Europe. Fait que ça a été populaire, c'est pour ça que l'année d'après, en 1986, c'est sorti sur les consoles vieilles, là, le ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC, l'Atari 8-bit, tous des bons appareils. Fait que c'est ça. Ça, c'était en 86. Puis nous, dans le fond, le Russian Attack, le Green Beret Russian Attack qu'on connaît, sorti en 1987 sur le Nintendo. Et puis, tu auras remarqué que c'est ça. Ils ont changé le nom de Green Beret pour Russian Attack. Mais quand on le dit vite, tu sais, Russian Attack, c'est comme l'attaque c'est russe. L'attaque russe, c'est ça. C'est la guerre froide. Fait que ce jeu-là, il mise complètement sur la... la peur des Américains du milieu des années 80, des Russes qui s'arment nucléaires. Tu sais, l'attaque russe, là, ils peuvent attaquer n'importe quand. C'est les communistes, c'est méchant, c'est pas correct. Puis les États-Unis faisaient peur au peuple avec ça. Fait que c'est pour ça aussi, dans ce temps-là, il y a eu des films comme Rambo 3, Chuck Norris, c'était là. Tous des films One Man Army là, qui vont détruire, qui attaquent les Russes. Là. Fallait se battre contre les communistes. Ah, c'était les communistes, là, c'était horrible, horrible. Fait que il y a des jeux qui ont sont servis de ce prétexte-là pour faire la pièce, puis Rush and Attack, c'en est un. Fait que, dans le fond, la différence entre la version NES puis la version arcade, il y en a quelques-unes, comme à l'arcade, au départ, ils te présentent quatre prisonniers américains attachés à des poteaux qui s'apprêtent à se faire descendre. Fait que là, là, tu pars. Puis le but du jeu, c'est de secourir les prisonniers de guerre, finalement. Mais sur le NES, le but du jeu ultime, c'est d'aller détruire un genre de missile nucléaire à la fin. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont laissé tomber cette chose-là. Puis aussi, sur le NES, on peut jouer à deux joueurs en même temps, ce qu'on ne pouvait pas faire sur arcade, apparemment. C'était rare quand même. Mais je pense que c'était Contra qu'il y avait eu avant ça. En fait, ce que j'ai lu, je pense que Russian Attack vient avant Contra. C'est avant Contra, OK. Ouais. Mais on ne peut pas vraiment mettre les jeux en parallèle. Ils sont très, très différents l'un de l'autre. Là. Je vois, dans le fond, vous allez voir à mesure que je vais en parler. Mais pour le gameplay à deux, c'était pas trippant. C'était le fun dans ce temps-là d'ajouter ça. Tu l'essayes. Mais de la façon que le jeu est fait, c'est juste un problème là, d'attendre après l'autre. Là, c'est pire que pire. Comme à Battletoads, tu joues à deux puis t'es pas capable d'avancer. Là, puis tu te fais tuer tout de suite. Fait que, y avait-tu une différence entre les deux bonhommes quand tu jouais en coop? Un rouge puis un bleu. OK. That's it. Mais au moins, on pouvait pas se tuer entre nous autres qui étaient déjà un gros plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là, avec tous les ennemis qui nous foncent dedans. Fait que aussi une dernière différence qu'il y avait entre l'arcade et le NES, c'est que à l'arcade il y avait un lance-roquettes. Tu peux, ça se fait tout au couteau ces jeux-là. Ouais, c'est ça, ça se fait tout au couteau. Tu te promènes, t'es un one man army comme je disais, mais armé d'un couteau seulement. Donc tu vas tuer toute l'armée russe avec ton pognon. Mais tu pouvais trouver des armes autres là, pendant le jeu que tu gardais pendant un court laps de temps. Fait qu'à l'arcade il y avait un lance-roquettes, un lance-flamme, des grenades. Puis sur le NES, ils ont laissé tomber le lance-flamme, mais ils ont ajouté un revolver, là, avec un handgun, puis un genre d'étoile d'invincibilité. Là. OK. Fait que tu ramasses ça pour t'aider. Donc, mais avec ton couteau, est-ce que tu pouvais utiliser ton couteau pour dans la tête, dans le corps, dans les jambes? Ben, c'est ça. Quand, dans le fond, je vais expliquer un peu comment ça marche. Ah, tu pars, c'est la lampe, puis là, à Russian Attack, t'as des millions de monde qui foncent dessus. Fait que c'est ça. Tu pars avec ton couteau puis tu poignardes tout le monde. C'est un jeu-là, c'est comme un meurtre au thon. C'est t'sais, violent, c'est sais. C'est un massacre, tu sais, camouflé en vite, là. C'est l'enfer. Fait que c'est ça, tu peux... T'éventres tout le monde. Ouais, quand tu poignardes, ton couteau est à hauteur ventre. Fait que t'es stable vraiment dans l'abdomen. Là. Okay. Puis quand tu donnes un coup de couteau, ça fait comme... Puis là, quand tu poignardes le bonhomme, ça fait comme... Fait que là, j'ai l'impression de tuer du monde. Ce que j'avais pas remarqué quand j'étais petit, puis là, je joue à ça aujourd'hui, puis ça me bouche. Fait que, ben, j'ai pas détesté ça, là, parce que, ça rajoutait un peu de l'intensité, mais, fait que oui, tu peux te pencher, puis tu peux sauter. Fait que, c'est ça. Ça se passe à deux et des fois trois niveaux. Tu marches au sol, ou tu montes un étage, puis tout au deuxième étage, peut-être au troisième. Puis il y a du monde qui arrive à tous les niveaux, là, de gauche à droite. Fait que plus que tu avances dans les tableaux... Ah, j'ai pas dit aussi, à l'arcade, il y avait quatre stages, puis au NES, il y en a six. OK. Fait que à chaque tableau, tu as plus de monde qui arrive, d'autres sortes de monde, du monde en parachute qui tire dessus. Puis j'imagine de tout ce qui différencie ces bonhommes-là, c'est la couleur de la tire. Ben, à chaque tableau, il y a deux sortes de bonhommes, du monde qui court. Il y en a qui courent, puis quand ils arrivent proche de toi, ils te font un dragon kick. Fait que ça, je sais pas pourquoi. Mais là, ça, c'est tough. Parce que quand il arrive devant toi, il faut que tu sautes et le piquer dans les airs en même temps. Ou comme tu recules un peu, puis quand il atterrit, là, tu le piques dans le pied. T'sais. Fait que c'est bien ça. Fait que ces deux bonhommes-là, c'est la base. Mais dans les autres tableaux, il y en a qui ont des revolvers qui tirent. Puis bon, il y en a, comme je te disais, plus loin encore en parachute, des affaires comme ça. Fait que, mais à base, c'est ça. Puis ils changent de. Les bonhommes changent à chaque tableau. Moi, je me suis rendu au cinquième tableau sur six, ce que je considère quand même un miracle. Là. Ah ouais. Mais là, il était vraiment au cinquième tableau. Il y avait des, des longs manteaux russes, là, puis des casques de poêle. Tu sais, quand ils tiraient, ça faisait vraiment un bruit, là, okay, carrément, c'était plus piou, okay. Piou, là. Fait que ça devenait vraiment sérieux. Ça devient sérieux. Ouais. Fait que, dans le fond, ce jeu-là, c'est ça, t'avances, t'essaies d'avancer, là, toujours, ah oui. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est pas un jeu, comment dire, c'est un jeu de mémoire, c'est un jeu de réflexe. Quand tu joues la première fois à ça, tu passeras pas le premier tableau. Là. Tu vas haïr ça, tu vas fermer ça. Puis là, moi, bon, j'avais joué un peu quand j'étais petit. Là, je me dis, bon, je suis grand maintenant. Je vais être meilleur, tu sais. On est comme meilleur quand même quand on est plus grand. Mais non, j'étais pas meilleur. Fait que là, sachant qu'on allait parler de ça pour Rétro Nouveau, je me suis donné à fond mon jeu. J'ai vraiment travaillé fort. Fait que je me suis rendu au cinquième niveau. Puis maintenant, je meurs pas dans les deux premiers niveaux, là, tu sais. Fait que tu meurs souvent, t'es game over souvent, mais tu recommences. Fait que c'est ça, t'as des continue quand même. Là. T'en as pas? T'as quatre bonhommes pour faire le jeu au complet. Mais t'en pognes un avec les points à peu près ou à la fin du troisième niveau. Okay. Tu peux pas tuer tout le monde non plus. Fait que tu t'as pas le temps de courir après le monde pour les points, tu sais, pour faire des vies. Ça fait que c'est vraiment. C'est do or die. Là. Ouais, c'est ça. Puis à mon souvenir, des fois, là, t'en avais une trolley qui te suivait en arrière. Ouais. Il se rapproche de plus en plus, puis toi, il faut vraiment, tu sais, un moment donné, il faut que tu fasses le move de te retourner rapidement, puis te stabber dans le ventre, tu sais, c'est comme. Mais c'est ça la twist de ce jeu-là. Pendant qu'il y en a un qui arrive au sol, il t'en envoie un autre en même temps qui te dragon kick dans le face. Fait que là, il faut que tu recules un peu pour kicker le dragon, pour tuer le dragon kicker, puis là, tu tues l'autre en bas, puis là, attention, parce qu'il y en a un autre au gun qui arrive en arrière, puis il faut que tu te penches. Puis, c'est la synchronisation parfaite de ton personnage à. Tu sais, il faut que tu sois très concentré. Mm-hmm. C'est un jeu de concentration. Puis, tu t'en souviens qu'il y a tel bonhomme-là, il faut que tu sautes. T'es mieux d'aller au deuxième étage pour passer là, pour descendre en bas. Fait que c'est tout le temps le même pattern quand même. Tout le temps le même pattern, mais de plus en plus chargé à mesure que les niveaux avancent. Fait que c'est vraiment. C'est toute une aventure. Mais bon, aussi, c'est ça pour les armes qu'on collecte, qui sont très utiles. Le bazooka, ça tire trois coups, après c'est fini. T'as trois, quand les grenades, tu tires trois grenades. Mais les deux armes qu'ils ont rajoutées sur le Nintendo pour Russian Attack, le gun, le revolver, ça c'est le fun, ça dure. T'as une petite musique quand tu le pognes, c'est comme l'invincibilité, mais c'est pas invincible, mais t'as des balles illimitées. Okay. Là, mon gars, là, tu pars là, sur un killing spree, là. Vraiment, tu tues tout le monde. Tu sais, tu te retournes, t'es chaud, puis tu vas vite, là, faut que t'avances, tu sais, parce que là, toujours ton revolver. Puis quand tu tires, ça tire-tu juste une personne ou s'il y en a deux, ça le transperce? Ça transperce pas. Le bazooka transperce tout le monde quand il tire, mais le handgun, il tue la première personne. Mais c'est pas grave parce que aussi vite que tu pèses, aussi vite que les balles, ils partent, finalement affectables. Et les balles, elles sont finies, mais oui, fait que. Mais j'en ai juste trouvé ces armes-là dans le niveau 3. Peut-être qu'il y en a dans le dernier. Mais je suis pas sûr. T'sais, ça fait tellement du bien de pogner ça. C'est comme sous la main. T'aurais dû le mettre un petit peu plus, là, juste pour me faire plaisir. Mais c'est ça. Donc, c'est les bonhommes jaunes qui donnent les armes. C'est les bonhommes qui sont accroupis par terre, qui finissent par se lever puis partir, mais ils tirent pas, eux autres. Okay. Quand ils tirent, il y a une arme qui sort, puis là, il faut que tu ailles la chercher. Mais, j'ai découvert, faites attention à ça, si tu tires un bonhomme jaune avec une arme que tu as déjà, mettons, j'ai un bazooka, je tire un bonhomme jaune pour pogner ce qu'il va me donner, il va rien donner. Faut le tuer au couteau, là. Faut pas le tuer. C'est comme une espèce de glitch inutile, là. Fait que c'est ça. Aïe, aïe. Puis, moi, j'ai passé bien du temps à jouer à ça. Puis autant que je trouvais ça mauvais, on dirait qu'à force de jouer, ça m'a aliéné, ce jeu-là. Ouais. T'sais, je rejoue, puis on dirait que je trouve ça correct. T'sais, mais c'est pas merveilleux. T'sais, tu vois que c'est vieux, puis que c'est passé. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai joué à ça en masse. On a tous fait la même affaire, genre louer un jeu, puis... Là, tu veux que ton jeu soit bon, fait que tu continues comme un malade, tu sais. Mais moi, j'avais continué à jouer, puis mon souvenir, c'est comme, il me semble que c'était bon, Russian Attack. Ah ouais, ben tout le monde, puis vous. Puis je regarde des vidéos, puis ça a l'air plate. Ça a tout l'air d'être la même affaire avec le même move de couteau tout le temps dans le ventre, tu sais. Ben aussi, il faut dire, les contrôles sont vraiment tough, là. Ouais. Ça marche pas. Parce que pour sauter, il faut passer par en haut. Okay. Donc là, c'est plat. Tu sais, t'avais le bouton A qui sert à sauter dans tous les jeux de Nintendo de la Terre, mais ce jeu-là est très vieux. Fait que Space, il avait pas pensé à ça dans ce temps-là. Donc, faut que tu sautes en diagonale aussi, des fois par-dessus des mèches, en donnant des coups de couteau. Fait que des fois, ton bonhomme fait juste sauter par en haut, il saute pas comme il faut par en avant. Puis un coup que t'as sauté, tu sais, c'est comme à Castlevania, tu peux pas. Ouais, tu peux pas filer, tu peux pas bouger. Là, tu sautes, puis là, il y a un bonhomme qui arrive en dessous. C'est un bâtard-là. Puis là, tu ratterris sur sa tête. Là, tu meurs. C'est très, très fâchant. Ça aussi, c'est une autre affaire. Tu es touché à un ennemi, puis tu meurs. Ben, ouais, c'est ça. Que t'es donné le coup, je trouve ça drôle. Ben, ah, même, c'est ça. Ces ennemis-là qui te courent après, tu sais, il y a des fois, ceux-là que tu suives en arrière, ils partent de loin. Là, ils ouais, ça fait longtemps qu'ils courent vers l'avant, puis ils continuent à courir. Ils courent après toi. À un moment donné, t'arrêtes, tu te reviens. Couteau. Pourquoi tu me cours après? Va te tuer, c'est sûr, t'as rien, tu sais. Ben, on peut pas questionner dans ce temps-là, c'était fou. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle pour ces pauvres bonhommes-là. Fait que c'est ça. Mais le pire ennemi que j'ai trouvé dans ce jeu-là, celui qui est le plus dur à gérer, celui qui va te tuer le plus souvent, c'est l'échelle. Parce que c'est horrible. Il y a des échelles partout pour monter au deuxième niveau ou au troisième niveau dans le tableau. Puis quand tu sautes, ton bonhomme il attrape l'échelle automatiquement. Mais okay. Mettons que tu marches, tu arrives vis-à-vis de l'échelle, tu passes par en haut, il va monter. Puis, mais quand tu sautes dans les airs, oh, il s'agrippe à l'échelle. Donc là, c'est un bonhomme qui te courait après, t'es mort. Il y en a un qui t'arrive d'en face qui va te faire un, il touche un dragon kick. Ouais. Là, toi, tu sautes pour aller se taver, mais là, toi, tu pognes à l'échelle. Fait que là, lui, il tue. C'est terrible des fois parce que tu as besoin d'avoir la paix. Tu es très concentré là, sur le tous les ennemis qui t'arrivent dessus. Puis là, des fois aussi, tu sais, les graphiques 8 bits, l'échelle, tu l'as pas trop vu parce que tu regardais pas trop dans le background. Tu sautes, oh non, pognes à l'échelle, tu meurs. C'est tous les tableaux. Puis il y en a de plus en plus des échelles. Au quatrième, au cinquième stage, la première partie du tableau, ce n'est que échelle partout. Okay. Hey, c'est très difficile, là, vraiment. C'est un exemple là, de... Tu sais, ça marche pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas en réglé ça, tu sais? Ah non, ça, c'est... En même temps, je suis sûr qu'ils en ont vendu une tonne de copies de toute façon. C'était Konami, fait que c'était signe de qualité quand même. Ouais, mais c'est dans les très débuts, je pense, les premiers jeux Konami qui ont sorti, là. Fait que ces échelles-là, les échelles sont un gros problème. Mais bon, dans l'ensemble, quoi dire à ça? C'est correct. Là, je l'ai ressorti pour la chronique. J'ai eu un peu de fun, mais je vais pas jouer à ça. Ben quoi, il m'a défié, ce jeu-là. Il m'a défié, là. Il m'a fâché. J'ai envie d'y retourner. Ouais, à chaque fois que je rejoue, je me rends un peu plus loin. Fait que c'est pas dit que je vais pas y sacrer la volée à ce jour-là, à un moment donné. Mais en tout cas, là, ça va être assez. Caroline, tantôt, tu parlais des contrôles. Tu disais que c'est par en haut pour sauter. B puis A, ça va à quoi? Ben B, coup de couteau. Puis A, quand t'as une arme, là, tu tires. Mais quand t'as une arme, tu peux quand même te battre avec ton couteau sans perdre ton arme. Pour économiser des balles. Ok, je comprends. Parce qu'on a juste trois. Mais tu sais, ce qui aurait été bon de faire, ça aurait été comme Castlevania. Mettons, tu veux tirer, tu payes par en haut. Puis B, tu sais, parce qu'il y a juste deux boutons sur une manette NES. Okay. Au lieu de donner tout un bouton à des armes que tu n'as vraiment pas souvent, tu sais, fait que ce bouton-là, il ne sert à rien. Mm-hmm. On aurait dû sauter avec A. Mais ça, bon, ils ont corrigé ça par la suite, là. Mais, ben, c'est ça dans l'ensemble pour Russian Attack. Puis, je sais qu'aujourd'hui, bon, si vous voulez jouer à Russian Attack sur le NES, c'est un jeu très... Il y en a partout. Là. Ouais, c'est facile vraiment facile à trouver. Puis ça vaut de 2 à 5 $ là, je dirais, dépendamment de son état. Là. C'est vraiment très, très simple. Puis j'ai vu aussi qu'ils l'ont fait. J'ai pas essayé ces autres versions-là. Il y en a une version sur le Game Boy Advance dans le Konami Collector's Series Arcade Advance. Okay. Un Greatest Hits de jeu de Konami, dans le fond. C'est là-dessus. Sur la DS aussi, Konami Classics Series Arcade Hits. Okay. Une autre version là-dessus. Ils sont différentes un peu les deux versions. Est-ce que ça doit être plus des versions arcade en plus. Là? Oui, c'est plus. Mais ça s'appelle Russian Attack, c'est un peu plus arcade. Mais ils ont justement amélioré les contrôles là-dedans. Okay. Tu sautes en pesant sur un bouton, pas par en haut. Ils ont réglé ces affaires-là. Okay. Puis ben, j'ai vu aussi qu'il y en a sur le. Il y en a une version sur le Xbox Live Arcade. Il y a Expatriate. Mais il y a aussi un Russian Attack refait. Ça a l'air d'être vraiment la même affaire. Je pense que c'est exactement la même affaire. Fait que c'est ça, vous pouvez jouer à Russian Attack encore aujourd'hui. Je vous le recommande un peu, là. C'est pas... À 2-3 piastres, c'est pas très cher pour un classique. Là, ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'autres jeux, je trouve, qui sont comme ça, comme que le but qui t'envoie. Ben, il y avait Commando, peut-être, mais c'est en vue, ça, c'est en plongée. Ça, c'est vraiment ça simple. Moi, ça me fait penser un peu à Kung Fu. Ouais. Tu sais, c'est t'avances puis t'en as des fois qui courent en arrière puis tu te retournes rapidement pour kicker, sinon ça marche pas. Ouais, c'est comme un kung fu mais avec plus de... C'est ça, t'as plus de latitude dans kung fu, tu sais, ce qui est drôle parce qu'il me semble que c'est un jeu qui est sorti avant. Ouais, c'est quand même assez weird. Mm. Fait qu'en tout cas, pour Expatriate, ben Expatriate, c'est un jeu qui est sorti cette année. C'est sorti au mois de mars. C'est sorti vraiment, là, c'est ça, en début d'année, au mois de mars, par Konami. C'est Vatra Games qui a développé le jeu. Vatra Games, c'est un petit développeur, puis eux autres, entre autres, travaillent présentement sur Silent Hill Downpour. Ouais, fait que je sais pas, ils sont encore à leur début, puis ils ont eu ce mandat-là de ramener Russian Attack, puis d'en faire un nouveau jeu. Ouais. À la Bionic Commando Rearm. Ouais, c'est quand sorti on... avant ou après? C'est sorti après. Ouais, hein? Puis quand on le voit, on voit un peu l'espèce d'influence de Bionic Commando Rearm. Il y en a aussi qui ont fait des parallèles avec Shadow Complex sur la Xbox. Ça ressemble un peu. On a vu de côté. Puis si on parle de ce qui ressemble au jeu original, ben c'est tout simplement qu'on a un couteau. Mais ouais, c'est tout. Puis on se bat aussi contre les Russes, encore une fois. Ouais. C'est contre les Russes, je veux dire, tu t'avances, puis t'as des Russes qui avancent à droite, qui avancent à gauche, puis qui essayent de te tuer avec toutes les armes possibles. Puis si on parle de l'histoire comme telle, ça ressemble un peu, tu sais, c'est 10 ans après la guerre froide, sauf que là, il y a eu des météorites qui sont tombés, qui sont une espèce de nouvelle matière qui peut servir à faire des armes nucléaires. Une histoire qui a ni queue ni tête, tu sais. Fait que là, comme de fait, il y a des Allemands fous, des Russes fous, je veux dire, qui vont essayer de prendre possession de cet armement-là. Puis il y a aussi, par le fait même, des prisonniers de guerre aussi sur qui les expériences sadiques vont avoir lieu s'ils ne se font pas sauver. Toi, tu fais partie un peu de ces prisonniers-là. Ouais, t'es ça. J'ai vu qu'on était maganés, nous autres. Ouais, t'es magané, puis t'es dans une cellule, puis là, il y a quelqu'un qui te lance un couteau, puis il fait comme, tu sais, j'ai rien vu, j'ai rien fait, puis tu sors de ta prison, puis là, t'essayes de t'évader. Donc, ça commence comme ça. Fait que tout simplement, les contrôles, déjà de base, les contrôles vont assez mal. Fait qu'on dirait qu'ils n'ont pas appris. Ils ont gardé ça. Ils ont gardé ça, ils se sont dit, on va garder ça intact, on va faire ça boiteux aussi. Fait que, sauf que là, évidemment, bon, pour sauter, c'est pas par en haut. On a vraiment un bouton pour sauter, un bouton pour le couteau, un bouton pour tirer avec les armes. Mais de base, c'est vraiment juste le couteau qu'il nous faut. Puis on avance de gauche à droite, il y a des jeux de plateforme, il faut se promener. Mais le design des tableaux est vraiment pas original. Il n'y a pas des gros tableaux intéressants comme il y a eu dans Bionic Commando, là. Il fait noir là-dedans beaucoup. Hein? Il fait pas mal noir. Corridor, là, c'est ça. Un peu partout. Puis je pense que le noir a été fait de façon à cacher certains défauts du jeu. Parce que le jeu, tu sais, on a une vue de loin. Puis quand tu te rapproches, parce qu'il y a des fois, il y a des petites cutscenes, il y a des scènes entre certaines des actions qu'on fait. Ça se rapproche des bonhommes. Puis tu vois que les bonhommes, les mains ont pas de doigts. Toute une espèce de petite texture cheap. Tu regardes de proche, on dirait vraiment qu'on joue à un jeu de PlayStation 1. C'est vraiment, vraiment laid, là. Ben moi, j'avais regardé sur YouTube. Je trouvais que ça a l'air popé. Oui. Mais en petit comme ça, c'est bien. Mais en c'est gros, ça. Ce que tu me dis sur ta télé HD, chez vous, 40 pouces. Exact. Si tu le regardes sur un écran d'ordinateur, ça marche. Mais quand tu le regardes en gros, tu vois que c'est mal fait. Puis ça manque de détails, puis tout ça. Mais maintenant, niveau gameplay, comme tel, t'avances, des fois il y a des trous qui vont te permettre d'embarquer dedans puis de siffler pour inviter les ennemis à s'approcher. Ouais. Puis quand ils vont s'approcher, tu vas pouvoir juste peser sur un bouton puis tu vas pouvoir les tuer. Ben j'ai vu sur Facebook Konami envoyait plein d'affaires. Là. Je suis fait Konami sur Facebook. Puis là, il envoyait un truc expatriate comme ça. Il demandait comment est-ce que vous aimez votre guerre, votre Russian Attack. Oh, full rush ou stealth, là, caché. Là, moi, je pensais... Ben, il y a un niveau, là. Tu peux jouer à rush ou tu peux jouer à stealth un peu. À la ben, c'est que tu peux y aller comme tu veux. Okay. Ils te laissent vraiment le choix. Tu choisis pas avant de commencer. Non, okay, vraiment je vais jouer pas. Silence ou je vais jouer full attack. Puis le trouble là-dedans, c'est ça, c'est que, comme je disais, tu peux les surprendre. Ouais. Mais tu peux les surprendre aussi en marchant vers eux, puis en sortant ton couteau. Ils sont vraiment imbéciles. Là, des fois, t'es à quelques pas d'eux autres, puis ils n'entendent rien. Des fois, t'es sur une grille de métal, on entend tes pas, ça fait comme clang, clang, clang. Le gars, il est en avant de toi avec son fusil, puis il bouge pas. Fait que là, tu le stabs, puis il est fini. Mais est-ce que des fois, t'arrives tranquille, puis il te voit, tu sais, puis c'est comme pas juste. Mais c'est ça, des fois, ça arrive, mais c'est comme des bonhommes un petit peu plus imposants, qui ont comme de fait une espèce de mitrailleuse impossible à détruire. Fait que eux autres, des fois, vont te reconnaître, mais c'est mal fait. Je veux dire, n'importe qui est capable d'entendre un gars qui fait énormément de bruit sur une grille de métal, tu sais. Puis, il y a aussi le fait qu'avec un jeu de plateforme, les contrôles, il faut que ça soit top-notch. Il faut vraiment là, que quand tu veux sauter, il saute. Il n'y a pas une animation de 10 secondes pour te faire sauter puis tu vois les pattes qui bougent puis tout. On s'en sac de ça. Tu veux juste pogner le bord de la grille puis pouvoir monter. Ouais. Ça, des fois, ça arrive pas puis tu n'as pas le temps de le faire. Puis comme de fait, bizarrement, à ces moments-là où tu réussis mal, ah, là, les ennemis, ils te voient. Puis là, ils n'ont pas de misère à te repérer, tu sais. Ben, j'ai regardé les scènes de combat, justement. Ça a l'air un peu slow, des fois. Ouais. Il y a du monde qui arrive de chaque bord. Là, tu dis, il faudrait que lui, je le finisse là, vite, là, parce qu'il y en a un autre au bord. Mais des fois, ils attendent. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ils attendent. Des fois, ils attendent. T'es en train de massacrer quelqu'un avec ton couteau. Fait que là, tu te bats avec lui. Puis là, t'en as trois en arrière qui sont là avec leur gun, puis ils te visent, mais ils font rien. Ah ouais. Là, ils attendent que t'aies fini la job avec leur camarade qui était peut-être leur grand chum depuis 30 ans. C'est comme, vas-y, mon gars, c'est ensemble. Ouais, c'est ça. Ils te laissent faire, puis that's it, ils te laissent faire tes affaires. Puis des fois, c'est le contraire. C'est un peu aléatoire, l'intelligence artificielle. Ouais, des fois, là, c'est vraiment défaillant. On dirait qu'il n'y a pas eu de tests qui ont été faits. Puis pourtant, des fois, vraiment, tout le monde rush sur toi, justement, puis vont réussir à te massacrer. Puis ces moments-là, c'est les moments probablement les plus fun. Okay. Sauf, encore une fois, que t'as pas énormément de contrôle sur ton couteau, sur ton combat, tu sais. Des fois, tu donnes des coups, mais c'est vraiment du button smashing, là. Tu donnes des coups comme un mongol. Il y a pas de combo, là. Non, ben, il y a des combos, sauf que sont comme un peu... sont décidés à l'avance, tu sais. T'avances dans le jeu, puis là, à un moment donné, whoop, hop, t'as débarré ce combo-là. Mais le combo, c'est comme... Pèse sur le même piton, là, 4-5 fois, là. Ah, OK. C'est tout le temps ça. Ça aurait dû être un peu. J'avais joué à Shank. Oui, ça, c'était bon. Ça aurait dû être comme ta-ta-ta-ta, on se vire le bord, on pognarde du gars là, on vire le bord. Exact. Rapide, là. Tu finis le gars, puis tu passes à un autre. Là. Non, c'est ça. Ça, c'était comme du parfait jeu de couteau, là. Vraiment, oui. Là. Ben, Shank, il y avait justement, c'était la rapidité de la chose qui faisait que c'était aussi cool. Absolument. Là, lui, tout est très lent. Ouais. Puis, tu sais, tu te promènes la nuit dans une prison, fait que je veux dire. Le côté, justement, rush and attack, que les gens rush, justement. Moi, je trouve que c'est ça le trip de l'original. C'est qu'ils rushent sur toi, là, ils courent sur toi. Puis dans le nouveau, c'est pas ça. C'est vraiment, tout le monde est à son poste, ils attendent. Puis toi, t'es pas supposé sortir de ta cabine. Puis comme de fait, ils sont trop imbéciles pour savoir qu'il y a un gars qui est sorti de sa cabine. Fait que là, ils attendent. Des fois, t'as des espèces de lacs avec de l'électrocution dedans, avec de l'électricité dedans. Okay. Fait que tu peux te faire électrocuter, des petites passes de même. Il y a des fois des clins d'œil au premier, comme à un certain moment donné, tu vois qu'il y a des missiles en background. Ouais, qui pointent, ouais. C'est ça, qui pointe, puis qu'il va y avoir des mines par terre. Fait que ça, c'est le fun, sauf qu'en même temps, les mines, une autre fois, quand tu sautes, ton saut est vraiment pas précis, comme dans l'original. Puis tu meurs très souvent, là, tu sais. Puis comme de fait, quand tu sautes, tu peux pas te revirer. Je sais que c'est pas de même dans la vie. On peut pas arrêter un saut dans les airs. Mais des fois, justement, trop de réalisme, ça massacre un peu un jeu. Dans l'original, par exemple, tu pouvais sauter. Tu pouvais pas sauter puis contrôler ton saut dans les airs. Mais au moins, si tu faisais face à l'avant, tu pouvais te retourner dans les airs puis tuer en arrière. Fait que ça, ça te donnait... Ça te donnait de l'aide un peu. Ouais, c'est mais ça. De ce que j'ai vu aussi de Expatriot, c'est un peu comme Metal Gear. Là. Il y a comme une alarme qui sonne quand tu te fais spotter. Puis en fait, c'est la même alarme dans Russian Attack sur NES. Quand tu commences un tableau, il y a une alarme qui sonne. Quand tu arrives au boss, il y a une autre alarme qui sonne. Puis ça a l'air de... C'est pas mal la même. Ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool, c'est ça. Il y a comme plein de petits clins d'œil qui fonctionnent super bien. Puis encore là, c'est pas un jeu. Tu sais, c'est pas un jeu qui se joue pas. Tu sais, je veux dire, c'est. Expatriot, c'est trois énormes tableaux. Tu sais, ça va probablement prendre là, 6 à 8 heures pour le finir. Ah, c'est quand même. Si longtemps que ça, trois tableaux. Ça peut être long, mais tu sais, c'est ça. Trois tableaux, 6 heures, ça commence à être long. Là. Tu te demandes quand est-ce que ça va finir. Mais tu sais, tu vois qu'il y a quand même du travail qui a été mis dedans. Ouais. C'est juste que les contrôles comme tels, ça va un peu mal, puis ça a besoin d'être plus tight, justement. Ça a besoin d'être vraiment plus précis comme contrôle. Puis ça tue le jeu. Les batailles de boss, complètement inintéressante. Ah, ouais, dans le NES, NES aussi, les boss, c'est n'importe quoi. Là. C'est n'importe quoi, vraiment. Là. C'est juste pas intéressant. Puis les ennemis, tu sais, il y a une belle variété, puis tu peux ramasser des armes quand même assez intéressantes, mais toutes les armes font la même chose. Okay. Même si tu attrapes un fusil de sniper ou que tu attrapes une mitraillette, ultimement, ça fait exactement la même chose. C'est juste le sprite du fusil qui est différent. Même pas, parce qu'une mitraillette, tu sais, ça va tirer plusieurs balles à la fois. Puis l'autre, il en tire. Le sniper va tirer une balle à la fois, mais c'est pas plus intéressant que ça, tu sais. Fait que tu vois un peu que notre prisonnier, c'est un abruti, là. Ouais, il sait pas se servir des guns qui ramassent. Mais moi, je le regardais, tu sais, je le trouvais quand même beau. Ouais. Sur le cover, sur la cassette, sur la boîte du NES, t'as comme le personnage, il est tout propre, belle moustache. Ouais, belle moustache, écœurante. Belle moustache, c'est Tom Selleck. Ah, ouais. Propre, tu sais, puis il tire un coup de bazooka avec le sourire, tu sais, c'est magique. Mais là-dedans, en tout cas, dans un preview que j'ai vu, il y avait comme un... Ah, lui, il est intense, il y a un bandana là, d'en face. Ouais, puis il y a du sang, il y a des tatous partout, c'est du sang, du linge déchiré, puis il est trapu, tu sais. Ouais. Il marche un peu comme un gorille. Il est cool, le bonhomme. Et on dirait qu'il peut aussi pogner le monde, puis leur éclater la tête à main nue. Fait qu'il flash, là, le bonhomme. C'est ça. Mais, puis des fois, il y a comme des finishing moves, finalement, là, des moves où tu... Tu sais, tu vas planter ton couteau dans le gars plusieurs fois, puis après ça, tu vas sauter dessus à pieds joints, puis tu vas y rentrer ça dans le cœur. C'est hyper violent, mais c'est très gratifiant, ces moves-là. Ben oui, c'est ça. T'sais, on n'est pas des gars violents, mais des fois, tu sais... Ah, mais c'est le fun d'avoir ça. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ils donnent assez de troubles, ces gens-là. Oui, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, dans ce jeu-là, ce qui est plate, c'est que tu te sens quasiment mal pour les ennemis comparé à ton bonhomme. Tu sais, ton bonhomme, il a vécu le martyr, là. Il est vraiment pas chanceux, il s'est fait torturer. Ouais, à un moment donné, tu vois un de tes chums qui est là, puis il se fait torturer, il se fait électrocuter, il a les veines sorties de partout, c'est dégueulasse. Puis il va finir par, tu sais, il va le tuer pour le sauver, tu sais. Bon, fait que c'est vraiment un badass, là. Ah, c'est un jeu pour adultes, tu te fais comme, aïe, tu sais, yes sir, mais malgré tout ça, ils n'ont pas réussi le jeu parce que justement, il manque le côté rush, d'après moi, le côté rapidité vraiment intense. Là, on peut y aller vraiment tranquillement, puis jamais se faire tuer durant tout le jeu. Puis en passant, on a des continues à l'infini. Fait que là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, puis on a besoin parce que tu meurs tout le temps. Là, puis je veux dire, les tableaux sont tellement longs que tu n'as pas le choix de mourir souvent. Là. Puis il y a aussi quelques petit passage secret où on peut aller pour aller chercher des choses comme une veste anti-balles ou des fois un masque à gaz que tu as besoin pour aller dans certaines places. Fait qu'il y a des petites affaires intéressantes, mais c'est quand même un jeu qui, je sais pas s'il est encore le même prix, mais il était 15$ au moment qu'il est sorti. C'est beaucoup ça, Garou. C'est pour, énormément. Là. C'est un jeu, là, moi je dis, à 5$, s'il n'y a absolument rien, puis que t'es vraiment curieux. T'es pris dans une prison, puis t'as rien à faire. Ouais, c'est ça. Si t'es pris, là, puis t'as 5$, puis 5$, ça a de l'allure. Mais encore là, shame on you qu'on a mis, là. C'est vraiment raté. C'est dommage, parce que moi, j'étais content quand j'ai vu ça. Waouh, j'ai pas entendu parler de Russian Attack. J'ai acheté jour 1. Absolument. Ah ouais. Tu sais, puis c'est le fun, parce qu'on dirait qu'il déterrait, là, ça revenait de loin. Puis je m'attendais à de quoi le fun, mais. Ben oui. Effectivement. Non, puis je trouvais que la réimagination, avec justement un nouveau bonhomme, il a l'air, tu sais, je fais, ils ont bien travaillé. Mais comme de fait, c'est un peu pour ça que je fais la critique aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de critique de Russian Attack. Il n'y en a pratiquement pas. Là. Si vous cherchez sur Internet, ça, deux, trois, personne, tout le monde l'a laissé tomber dès le départ. Moi, je voulais savoir moi-même pourquoi j'allais finir par le laisser tomber, mais c'est, la raison est là. C'est vraiment mauvais. Ouais. Mauvais contrôle, puis trop long pour endurer des mauvais contrôles. Ah oui, totalement. Ça, là. C'est vraiment une boîte. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est comme ça que se termine notre premier show de Rétro Nouveau. Fait que ça a l'air de ça, à peu près, une chronique Rétro Nouveau. Vraiment, on va passer, essayer de trouver des similitudes, excuse-moi, entre les deux, le vieux puis le nouveau. Puis c'est ça, mais on n'a pas l'intention de donner des cotes au jeu. Non, c'est ça, notes, juste dire si ça vaut la peine ou non. C'est ça, on est plus casual un peu là-dedans, fait que ça va ressembler à ça. Exact. Fait que merci d'avoir été là, c'est vraiment cool. Puis merci Bruno. Ben oui, puis, merci à toi. Pour la fréquence des épisodes, on a-tu fixé ça? On n'a rien fixé encore, on va essayer de faire ça à toutes les semaines. Ça serait bien intéressant de pouvoir vous donner un épisode à toutes les semaines. Puis des fois, évidemment, bon, le temps, les choses nous permettront pas de le faire. C'est pas trop grave, ça dérange pas, c'est un projet qui continue, qui va en parallèle. Moi, je continue de faire Monsieur Net et de faire mes critiques là-dessus, donc c'est sûr que vous allez jamais vraiment retrouver de matériel de Monsieur Net ici. Je vais vraiment parler de jeux dont je ne peux pas parler à Monsieur Net. Et on va pas parler non plus nécessairement de jeux qui viennent de sortir. Le but de ça, c'est pas de faire de l'actualité. Non. C'est vraiment consacré aux jeux eux-mêmes. C'est ça. Qu'on aime ou qu'on aime pas, ou qu'on a envie d'en parler parce qu'il y a un parallèle intéressant comme Revolution Attack. Mais on va pas se concentrer sur le dernier truc qui sort. Ça. Ben, non, façon, c'est ça. Toi, tu vas le faire à Monsieur Net. Ben, c'est ça. À Monsieur Net, on couvre déjà très bien ça. Puis, il y a beaucoup de podcasts aussi qui font de la culture. Exact. Tu sais, il y a tellement de monde qui le font, là. On n'a pas besoin d'un podcast de plus. Exact. Nous autres, ce qu'on veut, c'est vous parler des jeux qu'on joue. Puis, comme on le dit, notre façon de le faire, c'est vraiment de penser autant au rétro qu'au nouveau. Donc, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous supportent, puis continuez d'écouter le podcast, continuez de nous suivre sur Une Vie de Gamer et sur Papa Cassette. Puis, on se voit à la prochaine. OK, bye. Ciao. Retro Nouveau.